Élégie de Frivolité de Jean Brumaire, lue pour LibriVox.org. Élégie. Tu m'as fait bien souffrir, mignonne. Oh oui, bien souffrir, et pourtant, pauvre insensé, je t'aime autant qu'au beau jour où tu m'étais bonne. Mais tu le sais mieux que personne que ces douleurs de chaque instant, sans effort, je te les pardonne. Tu m'as fait bien souffrir, mignonne, et je t'aime toujours autant. Je sens que j'en mourrai, mignonne. Oui, j'en dois mourir. Et pourtant je te bénis en écoutant le tintement du glas qui sonne, et mon pauvre cœur t'abandonne son regret suprême en partant. Pense à moi par les soirs d'automne. Je sens que j'en mourrai, mignonne, et je t'aime toujours autant. Fin de Élégie, lue par Ezoie en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.